Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Nous sommes déjà mardi, si c'est l'heure de se retrouver comme tous les mardis après-midi, tout simplement pour l'émission Music Dance. Et oui, nous sommes tous ensemble pendant les heures jusqu'à 17h avec les chansons que vous aimez tous et toutes, que vous vous rappelez bien sûr de ces chansons. Et puis nous sommes déjà à la fin d'août. Et oui, ça passe très très vite. Et déjà, eh bien, à partir jeudi, mardi, vendredi, nous sommes déjà au mois de septembre. Ça va pas. C'est très très très vite. Et puis aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée avec Lorenzo. Bien sûr que vous allez le retrouver mardi prochain, tout simplement entre 9h jusqu'à midi. Voilà donc, eh bien, je vous laisse maintenant du côté de la musique. Et voici, elle s'appelle Benini. Et puis juste après, le disco. Avec Boris. Chez lui, il a éteint toute lumière, il a son petit pantalon à quatre têtes, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout, il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est... Ce soir, c'est soir, entrée, 15 balles, gratuit pour les filles. Chez Boris ce soir, pour la facette, pantalon pas de dev, spotline, c'est le soir à l'iso. Allez, danse, Boris, danse. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Je t'aime. J'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais Vincent Lagaffe est suivi tout simplement de une chanson tout simplement de Marie Laforêt. Sa chambre, elle se met à chouiner. La Zoubida, elle est désespérée. Je suis le plus beau, number one. Fatma veut pas que j'aille danser, passe par la fenêtre. Moi j'ai vais t'emmener. Mais ton chécha et ses babous promets sur le scooter. Derrière elle est montée. Je suis le playboy number one. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Par la police, ils se sont fait serrer. Gomisaria, ils se sont retrouvés. La Zoubida, elle va se faire engueuler. Le père Mokhtar, il rentre à la santé. Ouais, dans le fond, on aurait pu faire pire, hein, parce que, imagine, hein. On a les babouches, on a les chameaux, on a les babouches, on a les chichas, chiche on en fait un, chiche qu'on en fait un. Ouak, qu'il est beau, qu'il est beau, le chameau, qu'il est le body, le chameau, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est beau, le chameau, il est le body, qu'il est laid. Sa mère m'a tarification pour aller danser. Sa mère y a dit, c'est bien Wallo, ma fille, qui va se cocher sa suite. Il va se cocher sa suite, il dira qu'on passe sa mère. Mais c'est petit, c'est le problème. Ça va voir ton père quand il va rentrer. Je suis dans ta chambre, regardez. Alors ma, la petite Zoubida l'a montée dans sa chambre. Elle s'est pleurée, pleurée, elle était complètement désespérée. La nuit, elle a tombé sur la cité. Et Mortar, elle est arrivée sur le scooter doré. Il chauffe la lumière par la tête. Et voici allumée, elle a arrêté. Zoubida, Zoubida. Des oiseaux, nous resterons ensemble. Le temps qu'il y aura de l'amour, tout comme au premier jour, nous aimerons ensemble. Puisque tu me ressembles, puisque je te ressemble, puisque nos corps s'assemblent, que l'amour est étrange, comme la bougie s'affole, et qu'elle caracole, et qu'elle perd la boussole sur nos monts et vallées. Tant qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Comme au premier jour, nous sommes.

passe, je viens.

et appris solo, solo solitaire. Je veux marcher sur l'eau sans l'avis de ma mère. J'ai trop dit demain, demain sans faute. Merci de rien, pardon pour les autres. J'ai fermé la porte s'il vous plaît. Je veux casser les murs, oui un jour je le ferai. J'ai cherché longtemps mon temps sur la scène, mais passe le temps, bon vent à ma reine. Fais pas si, fais pas ça. Faut que ça change, changer d'habitude. Les bonnes manières ont fait ma solitude. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si, pas comme ça. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si, pas comme moi. J'ai fait tout ça pour les autres. Cousine Berthe, en son accord, au club à bonbons, pour aller. musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Désolé d'être ainsi, j'ai jamais su vivre à l'endroit. C'est pas moi, je peux rien y faire. C'est la vie qui choisit. J'ai pas voulu naître ici, ni avoir la tête en l'air. J'ai pas voulu aimer ainsi, à contrario à l'envers. Faut dire que je les accumule, mais je fais pas exprès. Je n'aime pas les tumultes, mais ça m'est réservé. J'ai pas choisi d'être l'intruse, différente recluse. J'ai juste fait ce qui m'habitait. rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je l'ai bien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. Moi, décidé, je m'en vais sauver les océans. Ah bah c'est bien ça. Ouais. encore 500 likes et j'éteins l'écran. C'est ainsi que la vie. Et si on changeait de vie, ça commence à changer. Mais est-ce que c'est ça la vie? C'est ainsi que la vie. C'est ainsi que la vie. Arc-en-ciel. Eh, hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma dose. Pas de concert, plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Eh ben tant pis, youpi, que danse mes nuits blanches et mes idées noires. Et si les soirs brillent par son absence. Lady Child, j'ai perdu le sommeil, mais t'inquiète. Plutôt David Hallyday, mais neuf, on l'écoutera tout à l'heure. Et après, ça sera Express, tout simplement. Des femmes, des mères, d'autres qui pleurent, des cris de colère pour cacher leur douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un autre bar, pour un nouveau départ qui laisse personne à part, qui devons nous croire. C'est ensemble et maintenant, pendant qu'il est encore

On ne vous reproche pas le tango ou le cha-cha. Continuez, c'est votre droit. Et laissez-nous twister. Vous disiez de votre temps la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang. Et laissez-nous twister. Et twistin', twistin', c'est à notre tour de danser. Et twistin', twistin', et laissez-nous twister. Pas jaloux qu'on vous aime malgré tout, alors venez avec nous, essayez de twister. jambes un peu écartées. Commencez par balancer, car vous êtes très doué et vous aimez twister. Et twistin', twistin', la jeunesse peut s'amuser. Et twistin', twistin', et laissez-la twister. Véronique Chanson. Arc-en-ciel. Rappelle-toi comme elle est belle et touche. et puis suivi juste après Dalida. Bien l'école et mes leçons. J'ai aussi la tête folle pleine de chansons. C'est une passion qui me poursuit jour et nuit. Alors je t'en supplie, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, je rêve tant d'un jukebox. Si tu me l'achètes, je te promets que plus jamais le soir je ne sortirai. Pas du tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oh, oh, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh, oh, oh papa, tu peux m'offrir un jukebox. Il y a de la place à la maison. On l'installe là, dans un coin du salon. C'est tout noir. Il remet ton corps sale. Tous les samedis, j'inviterai mes amis pour danser, pour twister. On repoussera les meubles, puis les tapis. On te fera une vraie surprise partie. Oh, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh, oh, oh papa, lorsque j'aurai mon jukebox, je pourrai faire. Noir. fais pas mon vieux, tout ça n'est pas très sérieux. Tu verras, ne t'en fais pas mon vieux, qu'à peine tu dois l'apaiser. Ton cœur est blessé et tes yeux ont pleuré un bonheur passé. Ne t'en fais pas mon vieux, pour toi demain tout ira mieux. Ne t'en fais pas mon vieux, t'es pas le premier qui pleure ses amours. Ne t'en fais pas mon vieux, espère oublier un jour. Tu n'as que 18 ans, tu le sais, ce n'est pas le moment de pleurer. Ne t'en fais pas mon vieux, et sèche les larmes de tes yeux bleus. Tu lui as dit je t'aimerai pour la vie, mais maintenant tu vois, c'est fini. Je sais bien tu méritais pas ça, mais puisqu'elle n'est plus là, ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas mon vieux, que son parfum s'envole avec le vent. Ne t'en fais pas mon vieux, et pense que tu n'as que 18 ans. Le soleil, le printemps, brilleront, tu seras heureux. Ne t'en fais pas mon vieux, et sèche les larmes de tes yeux bleus. Arc-en-ciel. Voici Catherine Lara, suivie de Renaud. Thank you.

pas dans les Chicago. Qu'on se met tout autour du carreau, une serviette. Il aime pas les couverts de métal, les peaux vertes taillées dans du cristal. Il vous dit comme un roi, je bouffe avec mes doigts, bien poissé à la graisse de chevaux de bois. Qu'est-ce qu'il fait les pompons? On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pompons. Avec qui il n'est pas tant tellement en attendant tout le monde du salon. Pompons, là où, là où, là où, là où, là où il y a les frites. Arc-en-ciel. Voilà, après l'accordéon, voici Texas et puis juste après Village People. I saw, I know that I found red flowers.

donc Corneille. Et puis l'autre chanteur nous amène du côté de Marseille avec Perlops. Tape sur nos systèmes, envie que tout le monde s'aime, le soleil donne. Et ce vieux désir super, qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil de l'heure intelligente, le soleil de la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Le soleil de le soleil de feel the fire in your blood. Sunday, oh, you can dream the sweetest games, hold hands around the flames in the Sunday, in the Sunday, in the Sunday, the gold keeps coming down in the Sunday, but it's turning into brown, and rain don't stay around. La même couleur aux gens.

like a woman. Like a woman. Like a woman. Turn it up, turn me loose from these memories, driving.